nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Aujourd'hui, on est rendu à l'émission 408. Et comme d'habitude, bien évidemment, on commence par Gerriou Arvué. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, c'est un adjectif qualificatif qu'on entend souvent maintenant dans le Brezon de Gmoné, qu'on n'entendait pas souvent autrefois, et qui est le mot récis. Récis qui veut dire précis. Et donc, alors, c'est pas un néologisme, c'est un vieux mot, il a été emprunté à l'ancien français récis, avec un C, donc qui est issu du latin récissus, qui signifiait abrégé, résumé. Alors, c'est une racine qu'on retrouve, par exemple, dans concis aussi, concisus, tranché, incisif, et qu'on retrouve aussi dans l'adjectif français précis, précis, précisus en latin, donc qui signifiait coupera. Alors le mot récis, on le trouve souvent dans les dictionnaires avec deux S au milieu, R-E-2-S-I-S. Moi je l'écris avec un seul S parce que c'est pas nécessaire d'en mettre deux, puisque en breton le S se prononce toujours S, même s'il est entre deux voyelles, donc autant aller au plus simple. D'ailleurs, on le voit souvent écrit, récis aussi, avec un seul S. Voilà, récis. Alors, dans cette idée de... Donc, le mot récis, c'est précis, net, précis, clair. En fait, il y a deux idées là-dedans qui sont complémentaires. C'est la brièveté et la clarté. Boileau disait, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire se suivent aisément. Voilà, donc la précision est à la fois la brièveté et la clarté, quoi. Bon, par exemple, on va dire un hors-mode récis d'une façon précise. Alors, comme tout adjectif en breton, bien sûr, on peut faire un verbe avec, qu'on entend souvent maintenant, récissat. Récissat qui veut dire préciser, rendre plus précises les choses. Voilà, et comme il est dit... dans les émissions de jeu, précisez votre réponse. Voilà, récissat. Alors, en breton plus courant, plus populaire, si l'on peut dire, on n'utilisait pas tellement ça, on disait sclérate plutôt. Sclérate en trop, les rendre plus clairs. Sclérate, ou d'illusion aussi. Alors nous, on ne prononce pas ce Z-là, on dit diluant. Décomplexifier les choses, les dénouer, parce que l'usieux, c'est quelque chose qui est pas clair, qui est mélangé, qui est noué, voilà. Un drap, alors non, on dit un drap luyeux, on prononce pas le Z comme ça. Alors pour revenir à récis, son participe passé, c'est récis, donc, préciser, quoi. Alors il y a aussi quelques autres mots de la même famille, amrécis qui est indéfini. Quelque chose qui n'est pas défini. Et quelque chose qui est imprécis, c'est d'irrécis. Quelque chose, le contraire de récis. Alors, il y a aussi récistet, qui est un mot féminin qui veut dire la précision. Et le contraire d'irrécistet, l'imprécision. Mais bon, là, ça fait des mots, des substantifs un petit peu longs des fois, en breton. Qu'on n'utilise pas forcément facilement. On aime bien tourner les phrases autrement, donc c'est plus conforme à la logique du breton, quoi. Alors on va dire, par exemple, « Nec récis un trou, nec sclair un trou, puis un trou zo luet ». Alors, « luet », il y a aussi un verbe, « lusion », nous on le prononce « luant », qui est « embrouillé ». « Luet et un trou », il embrouille tout. Il y a des gens comme ça qui sont spécialistes pour embrouiller des choses claires. Et d'autres qui précisent des choses confuses et d'autres qui embrouillent des choses claires. Voilà. Lusiet, embrouillé, quoi. Moi, j'aime bien Lusiet, c'est très expressif, quoi. Et puis, on voit tout de suite de quoi il s'agit en breton, voilà. Bon, je crois qu'on a précisé quelques petites choses sur récis. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezonek temps matin. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps m'attend. Une émission de fin d'année, quoi. Oui, fin d'année et début de la suivante, hein, voilà. La fin de la vieille année et le début de la nouvelle. Alors cette émission 408, là, elle va être à cheval, donc sur décembre 2013 et janvier 2014. Et donc, le Noël et le jour de l'an tombent des mercredis, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, vous allez l'entendre plusieurs fois, donc peut-être que les gens vont s'en lasser à la fin. Mais peut-être qu'ils se lasseront pas d'entendre nos vœux, puisque on va leur souhaiter une bonne année, un blaves mat. Donc, blaves mat, bien sûr, aux auditeurs de RKB. Je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. Donc, blaves mat à la radio aussi, à l'équipe de la radio, l'équipe au sens large, hein, c'est-à-dire les salariés, les bénévoles, les membres de l'association. Et tous ceux qui se sentent représentés par RKB et qui se sentent intéressés, voilà. Donc, alors RKB, bon, vient de fêter, c'est encore une jeune fille, hein, elle vient de fêter ses 30 ans, là. Donc, l'association est un petit peu plus vieille, hein. Elle avait été créée en 81, donc elle arrive à 33 ans. Et donc, elle est restée fidèle à sa vocation, qui est une radio de pays bilingue, hein. Français et breton, même trilingue, puisqu'il y a des émissions en anglais, et même quadrilingue, puisqu'il y a du galop. Il y a du galop aussi. Donc, voilà, toute une panoplie. Peut-être qu'il y aura d'autres langues un jour ou l'autre. Voilà. Et donc, en tout cas, nous, on dit blaves mat à tout le monde. Hein, c'est, alors, il y avait autrefois, il y avait des chansons comme ça pour souhaiter la bonne année. Hein. Il y a plusieurs versions, par exemple blaves mat de zou et tandar, blaves mat di gandoué, aventure va te reyo wang de regos prespolité. Et on disait don i donne, c'est une onze blanévé. Alors il y a plusieurs variantes, hein, de cette chanson là. La variante, le texte le plus ancien est fortement imprégné par la religion. Et il y a eu des variantes un peu laïcisées et un peu modernisées, comme celle de Taldir, qui avait fait une adaptation plus moderne et qui a été chantée par Paul Huelou il y a quelques décennies, plus proche de nous, hein, voilà. Et donc ce serait intéressant d'ailleurs de remettre à l'honneur ces chansons-là, hein, d'aller souhaiter la bonne année en chanson, ce serait pas mal. Voilà. Alors cette année, donc, 2014, hein, bien sûr, l'année 14, on en parle beaucoup, hein, parce que c'est le centenaire de la Grande Guerre, hein, Breslau-Roth. Et puis on aura donc l'occasion de parler de ça pas mal, quoi. Voilà. En tout cas, alors cette époque-ci, c'est aussi l'époque des cafés du premier de l'an, café des Tientembla. Alors, naguère, ça aussi, c'est une bonne chose à remettre à l'honneur. Les cafés des Tientembla, ça durait jusqu'au mois de mars, parce que le temps de faire le tour de la famille. De faire le tour partout, quoi. Et voilà. Et je trouve que ce serait bien de remettre ça en honneur. Ça coûte pas très cher, ça coûte pas aussi cher qu'un réveillon. Mais ça permet de voir beaucoup de gens. Donc, on peut souhaiter aux gens de faire beaucoup de cafés des Tientembla. Et puis voilà, on leur souhaite une année heureuse, fructueuse et à l'écoute de RKB, bien entendu. Blaves mat à yihed mat. Blaves mat à yihed mat. On passe à la troisième partie d'émission, Petrazone Vervo. Thank you. troisième partie d'émission, Petra Zonevé ar Vroeri. Kall se draoù evel jus boer vej di ouzan. Ar vejman, ne groguin ket gant al arbor doa, pudur un meusroan de l'ard on gerig benek di war ben Nelson Mandela, evel just, zo et un anna ou ne vesso. Hag Nelson Mandela, zo bet tout l'barret pa appel, hein, goudra tout dud war ze bremañ, pa seiz la war nugen e chom ba prison ban tout l'bar, blamour d'ur stourn neus bet, neus gret, evit gurio un dud du, ba Afrika ar su. Hag ur stourmeul heb feul ze bet, pa di vu, vel oa bet Gandhi, ba bro India, vel Martin Luther King, ba bro America, pi roaz eme Césaire, evit bro France. Hag un dud se zo bet vel meus laret, stourmerien di feulz. A skwerien mad, evit ur poblo gwasket, evel ur vreton ne devel just. Amma e breiz, nom ket tud gant kroc'h un du, med me meustra, oa ur pin vidigez gant im, a re oa em diz hant eus ur reel un tamm, hag tout e pin vidigez zo bet distrujet gant e jacobinet. Hag de diantan evel just, zevenadur ur yez, hag amant ivez zo betud a zo tud oaz, o stourm un ormo di feuls, evit ur yez hag ur vro. Vel Jean Jalrand ba Angela Duval, zon tan ba mem spiret vel Nelson Mandela, ne ket yen an aven, me vel ur chans ne kebet tout l'bar et pa appel, ne kebet tout l'bar et tambe, med bon un tan me mem spiret vel Nelson Mandela. Hag reio an zo ba strolat aita zo tud o storm juz mad un ormo di felzin. Jean Jalran e yon dravad mont war an nense, mamez ma bet a brom ne ke bet gwale feduz storm ou di felz de Brovrans, med ma ve hadzav ed ur zevenad ur gant breiz amant, vo ur bin vidigez vid ur vretondet, de diantan vid ar retonnen, met ivez vid tout de un dene les benefin, vid ar bedol. Kom se ve kaz ur mar eman deus un emglev evid d'azant breiz. Zo bet im ban un eus ke gwal belzo, ne ke zi ne roaz, met vo zi de prestik, hag in galag e pakt d'avenir pour la Bretagne. A skrive zo dindan emglev evid d'azant breiz, un peu zo ez uzoar, bon, vi de pezel de ze zevena, dur neus ke kal ze dra a barz, met de septa velar, de evel kiz a custum, breiz o rand vro gant un identité le skre, bon, zez o trao a velar gant tout de politikourien, a ze ne gassak ad un trao kal zo ar ok. Pouet, chomera un trao un tamm veling bet lak de gant Emil Combe a rezo de doa iler. Mais Zévelard est d'Hermod, hein, identité les envros, bon, qu'on chaud tout le bénéfice. Bon, Wardash en la Bourdouar, vaut, au Berntrou, de ce, clève, bah, n'amzor de zone, Gander Pax, mais non que Zur, Heikas Gweller en trou, vie de fermier au plus dur, de ce, Gweller, de vos icourut, fermier au rose, de broduit, hag ur e vihan ar an devon ket tiem eus ikour an matrez en mam eus vef ebe d'on dra val an peso ba pak se vid kalz deus elaborer yen doa. Gwelet vo pes amod vo kont. Kasi echu e bremañ bla trizek, bla daouvil trizek, hag prestig vo bla perzeg. Bon, bla perzeg evel just vo komz e kalz deus e brezel perzeg. Pudur... quand l'assaut ou des crogues de Brezels, à nous l'art de millions de wedut. Hag zuroir vos clèves de mames comme j'ouvais clèves de boire blavés ou hugen, mames conche ou ya, vel clèves d'Alice, un éque blanc maroise de vos ailes de zur Brezels, vel m'embête, de l'art adé or Brezels casse de gand nationaliste de Gall, à Galamanek, hag ur brezel kasset vi gwell an plija dir un maradourien armou. De zi zur war ne vo kom ze kals, hein, pes peto a badri ur brezel ze. Kom ze vo de ze ninor, de ze bon, sacrifice a mi war an gebeda. Me de ze nationaliste Brohal, Brohalmagne, ne vaut que comme ze kals, n'a de ce mahadour yon arme ou jiwas. Et vite kreis breis en man. Alors, brezel ze zobe d'or rivin spontus. Quasi tout de botre dio, on zobe l'ar de houlse. Ag boen waler a brezel ne chomme que me tut cause, mer et heb gwaaz be da bugale. Ag benefin ur vroz obe rivinet, a neus ne ke be hazav de boe. Bon, peve komze deus d'economies, jusma de ur strolad embregerez, mezang ma be komze deus eo ar vechoaz, neus zo be krouet ba kreiz breiz, ba zar hob peve la ar mat, hag strolad ze zo handet ganit. Hag aze zo war dro do ug an embregerez, non lakad samblez, evi kaz war ok, a trau samblez benefin, rak tres ou samblez. Hag ba miskien var mezan vo gret de se o model de la bourra de velar de imgal hag mone ve velar de cluster de se cluster ya de la rede on emglef tre o neub de embregerezio bon gwell et vo pe sa mod hag stal yede un affer ze ba skolu el lokarn institut lokarn imgal hag war dash en ur politik eres, bon, kom ze ve kal de ze bonne do ru, hag divise de begante skrivan ur harta, ma peswan, evit de laka de normo dresis, hein, pe sar menoz yo zo gant e bonne do ruz. Pudur ve gwell kal ze dud vraiment o laka de bonne do ru o ven, hag n'enke tout ma me jonge, de ce, pa pen un dud se neus ke ma me jonge o alis. Bon, setu, vo gred ur harta, hag voget strolad ou l'erhel vidze, hein, comité loco, hag gwell et vo pe sa mod vo kont gant un affer zan. Bon, dan mon tan moa dach en eus evenadur, bon, la remeus baba perzeg vo lid de kandla brezel, hein, brezel pe varzeg, me lid vo ive pem kandla boe e mar anavreiz. Anavreiz, hein, Ou mar un nod de Zevistien ver mil pem kan perzek. Garcis ou pem kan lasso. Hag vite se vo gred bern trou, hein. Breiz amman. Hag on tim vo imbanet, hein. On tim zo begret gant on den a zo Yves Bojar i hang. Hag ve gwellet an avreiz hag i hastel, hein. Kastel naunet, hein. Pudio oa deus naunet. Pudio oa chomba naunet. Bamis heri, oa becho de prijo e vire d'or galo gant efer tri. Gant rondro breiz, hein. A benefin e radio plume neus bet or priz. Enfin, spen or priz, oa, mais o nan deus prijo zo et gant radio plume, zo o roar de RKB, ara on abandon hein le galop dans le petit poste à 12 heures galop que vegret gante ag bon on drava des vides de radio plume et vel juste ager prise galophone de l'année puis rondine gomes galop galak ve l'art galophone hein britophone vilondine gomes raison donc zobé de rode Daniel Giraudon on en a mort bavro plusieurs Gomz galaouek hag brezhonek. A skrivera ur penad galaouek ba ouest eklair bebzun. Bon, kant vlasso oa bet de... Aya, kant vlasso oa bet gret de basion, enfin, un arvez d'ur basion ba loudiak vid ar vechiantan. Ze oa bet gret ba mizmeurs, un oa arnugen eus e mizmeurs, Hag blanc me vo gred, hein, vit o vo lid et kant la passion de loudiak. De diantan oa tregonne d'un bezan le o c'hoar i ba narvest a bremañ zo spen daouran o von noar leuren. Hag bon, tal ref e boan mont betagenan de veld, hein, ur passion. Le rel ve gred ive, me ba loudiak ve gred kant la so. On den deus bro gembre, ne skrive do lever, neus ket gwall belzo, Hag zo raoned la nation invisible, Bretagne 1750-1950. Hag lever zo imbanned gant Cob Brace. Hag jonge alran eo lever meskelen en anroas, mais jonge alran eo de eo lever dalvoudegez. Evid ur brezonek. Enfin, ur brezonek a Brace, hein, hag pudur diskouez ar ap eus ar mod e chomet be o ur vro benefin dre dre youl ur vreton eo da. Ur vro a zo gwasket hag a loubet, hag ur vreton eo n'un koulzlar hag guir bet war tach en bet hag ouskoude, ur vro zo chomet be o en ur mod kuz an tamm. Bon, on en klas zo bet ne vezo, vi goud pe de du de zo labour a dre an brezonek, gant an brezonek, hag zo ar dro 1300 dut, breiz hag zo labour a war dach en an brezonek. Bon, gros deus e ar mu an deus ezo kelenerien, pudur zera perug un dre gant, reel zo ba radio yo pe o ar beup sort rao. Vid chom moun tamm war dach en ur zevenadur, ur film zo begret ne vezo, gant ur pod Christian Rouault, ur film hir war on den zo hanavad ma bavro e André ur meut, zo zon ur bombard. Hag ebe filmet pa terz un ur pod ur film zo deus heuie de André ur meut pa de terz un. Hag film zo hanglet avec Dédé. Ma tre, peus ke gwell nan, nan. Mais de bon, tremenra veje namza. Bon, eg hendel zo bedim ban de tambo trao, trao fen du zoar, gant em globaï zo bedim ban de lever, on tam lever bien, les 100 mots en breton érotique, a gonel, 100 mots en breton pour les fêtes. Riz gust pembero bepini. Agan se ne ketier a zo moyen de ziski, kal zo trao a de gad plus jadon. Hag a videchu in ahan lar in Serge Richard, zo an aven mat, ba vro, hein, kelener war brezonek, ne stro de brezonek, pezoari Molière, le misanthrope. Or pezoari vru de tre, hein, pe oan yo, moi stu de zi basko, la moi kad zi vrao, misanthrope, ya, on din sperana. Hag brezonek e un din gassaour, hein. Hag zo bet bon troet gant Serge Richard hag zo imbanet gant mouladur hor yez. Bon, setu mem gret on tamm tro war pez zo bet imbanet a war pez non dram na ba vro hag lar an dar tie Norvegel hag deja hal an lar ne deleg laouen den dut a waler vo lar an deb lavez mat. Setu tie Norvegel, hein? Tie Norvegel, Eri.